Voilà, on vient de démarrer cette émission du côté de l'Australie avec un petit peu de punk signé Civic, donc tiré de leur second album depuis 2021. L'album s'appelle Taken by Force. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle The Trick of the Light. Donc, c'est un sextet qui nous vient de Melbourne et qui a un background hardcore plutôt. Hein, les membres prennent plutôt de projets hardcore australiens. Et sur ce projet-là, il propose plutôt un punk mélodique à l'énergie fédératrice, à base de brûlots foudroyants, ponctués de moult riffs et solides. Donc, c'est bien fait. Donc, le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Trick of the Light. C'est, je crois, le plus long de l'album. Après, les autres font plutôt 2-3 minutes chacun. Voilà, sinon, au programme de cette émission, il y aura une petite séquence d'industriel synthétique, on va dire. Il y aura un album de la semaine du Matrock avec les excellents Squid. Il y aura une séquence d'électro un peu planante. Il y aura une séquence de pop féminine synthétique. Il y aura de la très belle folk-pop atmosphérique, un album de la semaine avec JFDR. Une petite séquence folk, on terminera par du slowcore, un troisième album de la semaine avec l'excellent projet Lana Del Rabis, donc une fin d'émission très très féminine, vous le verrez. Donc on commence de suite avec une séquence un petit peu industrielle, synthétique, avec le projet Netherlands, donc projet de Timo Ellis, membre de groupes connus comme Yoko Ono, Space Hog ou les très très dérangés Sibomato. Là, c'est un projet solo, donc Netherlands, et c'est son neuvième album sous cet alias. L'album s'appelle Severance. C'est un projet normalement sur lequel il fait du sludge expérimental, mais sur cet album-là, il ajoute une pointe de sonorité industrielle à ses ingrédients habituels qui sont une batterie primaire, des riffs de guitare assez héroïques, des hurlements assez sauvages. C'est sorti chez Swart Record et la production, il faut noter, qui est le travail de Kurt Ballou, qui est un membre des groupes Converge et Ion Fire. C'est toujours une référence. Le morceau qu'on va s'écouter s'appelle Severance, comme l'album Netherlands. C'est parti. Thank you. Voilà, à l'instant, vous l'aurez compris, c'est de la musique à ne pas mettre entre toutes les oreilles. C'était un extrait de l'album Believe Anything, Believe Everything, second album en date du projet Exit Electronics, donc projet du mythique Justin Cabrotric, qu'on connaît comme membre de Godflesh. C'était un guitariste et chanteur de Godflesh, la meilleure période de Godflesh, mais également de tout un tas d'autres projets comme Techno Animal, Jésus, Jika Flèche. C'est quelqu'un de très important dans les musiques expérimentales britanniques, on va dire, Justin Broderick. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Yurlot, donc qui est tiré de cet album. C'est sorti chez Avalanche Recordings. Voilà, c'est très très noise électronique, industriel. C'est absolument sans concession. Il y a toujours ce travail impressionnant sur le son. Voilà, avis aux amateurs. On poursuit avec le premier album de la semaine, qui nous vient aussi d'Angleterre, de Brighton plus précisément, et puisqu'il est signé Squid, donc Quintet de Brighton, dont on avait adoré l'album Bright Greenfield en 2021. Là, il récidive l'excellence avec un second album qui s'appelle Au Monolithe. Voilà, toujours chez Warp, c'est toujours du matrop expérimental, tout en fraîcheur, tout en montagne russe. Toujours agrémenté de tonalités clairement jazzy et d'irrésistibles bitouillages électroniques. On n'est pas loin de leurs collègues de label de chez Battles. Voilà, ils ont toujours cette faculté à insérer des passages jouissifs, des morceaux très déconcertants. L'album est un petit peu plus climatique que le précédent, on va dire, hein, un peu plus axé sur le sentiment. Il y a un petit peu moins de brûlot, même s'il y en a. Voilà, il y a toujours Dan Carré à la production, donc voilà, c'est de l'excellent boulot. On va écouter deux extraits. Le premier s'appelle Undergrowth, le second s'appelle Siphon Song, donc Squid, c'est parti. Thank you. From the sides, you can breathe. Et voilà, à l'instant, c'était le morceau Siphon Song, donc second extrait de notre premier album de la semaine, l'excellent Homonolith, des non moins excellents Squid. On poursuit avec une séquence un petit peu plus électronique. On commence par James Holden. James Holden, vétéran de la scène électronique anglaise, il vient de sortir son cinquième album depuis 2006. Imagine, this is a high dimensional space of all possibilities. C'est sorti sur son propre label, Border Community Records. Voilà, c'est une électro légèrement exotique et cosmique, assez naïve, un peu new age, qui rend hommage au rave des années 90. Il y a beaucoup de samples un peu animaux, des nappes de synthé éthérées, des vocaux planants. C'est très bien fait. Le morceau qu'on va écouter s'appelle In the End, You Will Know. Donc, James Holden, c'est parti. Thank you. Thank you. Voilà, juste après James Holden, on est resté à l'électronique un petit peu planante avec un autre vétéran, mais cette fois de la scène française, même un vétéran de la French Touch, puisqu'il s'agissait de Nicolas Chez, alias iCube. Quelqu'un dont les apparitions sont assez rares, hein, puisqu'il n'avait pas sorti d'album depuis son album 3 de 2003. Hein. Et donc là, il vient de sortir ce quatrième album qui s'appelle A Cube, A comme œil, pas comme I de son pseudo. Voilà, c'est quelqu'un qui est également connu pour faire partie du projet Château Flight avec Gilbert. Et donc sur cet album, il propose une électronique planante et cosmique, froide mais poétique, du plus bel effet. Voilà, on va poursuivre avec une petite séquence de pop synthétique féminine et on commence par US Girl. Donc US Girl, c'est le projet solo de Megan Remy, la torontaise, donc la canadienne, qui donc vient de sortir son huitième album depuis 2008. L'album s'appelle Bless This Mess. Donc elle a évolué d'une pop expérimentale hard rock un petit peu vers quelque chose de beaucoup plus synthétique, avec une orientation très assumée vers la disco et la funk. Alors comme toujours avec elle, l'album est un petit peu conceptuel autour de la maternité, notamment puisqu'elle était enceinte de jumeaux au moment de produire cet album. Voilà, et l'album ne manque pas d'humour, comme faire le dernier morceau de l'album dans lequel la rythmique composée d'une basse funk et de samples de tirelets. Faut le faire quand même, voilà. Et sinon, globalement, elle fait assez penser à ce que peut faire Saint Vincent. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Saint James Way. US Girl, c'est parti. Trials. Juste après Yes Girl, on est resté dans des pop synthétiques avec Léa Sen, la française, qui n'a pas encore d'album. C'est un extrait de son second EP, You Of Now Part 2. L'extrait s'appelle No. Donc elle habite à Londres, mais elle vient de Paris. Elle s'est fait connaître comme chanteuse auprès de Wooloo notamment et de Joy Orbison, hein, Wooloo qui avait été album de la semaine ici. C'est au niveau musical, ce sont des ballades hyper-pop épurées à l'interprétation très soul, on n'est pas si loin que ça de certains Bon Iver. C'est plutôt très joli à écouter. On va poursuivre avec notre second album de la semaine qui nous donne sur de l'art-pop atmosphérique. C'est un album signé JFDR. Donc JFDR, c'est un acronyme pour désigner une jeune femme. Jofnour Akadotir, qui vient de sortir donc son troisième album depuis 2017. L'album s'appelle Muséum et elle est surtout membre de tout un tas de projets bien connus ici comme Samarif ou Pascal Pinon. Également membre de Gangli avec Mjær Sigurdsson de Sinfang. Mais là, c'est son projet solo, donc centré autour du piano, de la guitare, plus du langspiel, plus de l'orchestration synthétique. Le timbre de voix rappelle un petit peu Cat Power. Et musicalement, il y a dans cette musique quelque chose d'un peu empoisonné, assez caractéristique de la nature irlandaise, quelque chose qu'on trouve beaucoup dans beaucoup d'albums de musique islandaise, pardon. On va écouter deux extraits. Le premier s'appelle The Orchid, on le fera suivre de l'extrait qui s'appelle The Spectator. Donc JFDR, c'est parti. Diamond shape. J'espère que vous avez pu apprécier ce très beau morceau de pop atmosphérique qui s'appelle donc Spectator. C'était notre second extrait, notre second album de la semaine, le Muséum de JFDR, donc chaudement recommandé. On poursuit avec une séquence un petit peu folk féminine et on commence par Shana Cleveland, californienne, musicienne, écrivaine, artiste visuelle et ancienne guitariste et chanteuse de la loose. Elle était un peu le leader de la loose. Elle est peut-être toujours d'ailleurs. La loose je ne pense pas que la loose soit un projet éteint, on va dire. Mais en solo, là, elle propose un folk classique inspiré par son environnement immédiat, à savoir quelque part entre le désert et les montagnes de la Sierra Nevada. Ses paroles sont inspirées à la fois par des choses assez personnelles, à savoir un traitement assez lourd et une maternité également. Elle est accompagnée d'un excellent petit groupe folk à base de pedal steel de glockenspiel. Voilà, il propose des balades magnifiques, des chansons éthérées et de jolis instrumentaux. Le tout est sorti sur Modulor Records et on va écouter le morceau Walking Through Morning Dew, donc tiré de cet album Manzanita de Shana Cleveland. Little rise. Crown and all surround. Juste après Shana Cleveland, vous avez pu écouter un extrait de l'album Furling de McBird. L'extrait s'appelle Ashes Ashes, donc McBird c'est une Californienne. C'est son cinquième album depuis 2006. Elle a beaucoup de projets, hein, puisqu'elle est membre fondatrice des groupes Heron Oblivion et Espers. Donc Heron Oblivion, c'est plutôt du rock psychédélique, Espers, c'est plutôt de la psych folk. Elle est également membre du fameux groupe rock Comets on Fire. Elle a signé quelques très belles collaborations avec la harpiste Marie Latimore, qu'on a souvent écouté ici. Et elle forme avec sa sœur Laura un groupe qui s'appelle The Bird Sisters. Donc avec tout ça, elle n'a pas trop de temps à consacrer à son projet solo. Et donc cet album-là est le premier album solo depuis 8 ans. Et elle y délaisse un petit peu la guitare, son instrument de prédilection, au profit du piano, pour proposer une pop-folk, psych-folk à la fois chaleureuse et intense, avec une voix un peu fantomatique et chuchotée. Un petit peu lointaine, et au niveau référence, on est plutôt sur du Nick Drake, Nick Bonny Presbelli ou pas mal de Mazistar. Il y a un bon côté Mazistar sur le morceau qu'on vient de s'écouter. On va terminer cette émission avec le troisième et dernier donc, album de la semaine. Il nous vient également de Californie, des États-Unis, de Phoenix, dans l'Arizona. Il est signé Lana Del Rabiz, ça a l'air d'une espèce de jeu de mots un petit peu sur Lana Del Rey. C'est son troisième album, c'est le projet d'une mystérieuse jeune femme appelée Sam Ann. Projet qui mélange électronique industrielle, slowcore, néoclassique, électro un peu dark et BO de films d'horreur. C'est un mélange très très très particulier. C'est un concept album un peu mystique autour de la création et destruction, du cycle à souffrance et la perte de contrôle, et de la vie, de la catharsis, Dixit Sam Ann elle-même. Voilà, il y a des ambiances un petit peu saturniennes, très éthérées, légèrement bruitistes, associées à d'étranges mélodies dépouillées et bancales. Le chant est tour à tour spoken word ou litanie hypnotique ou hurlement épars. Voilà, c'est unique, beau, c'est assez halluciné. On va écouter deux extraits. Le premier est assez long, il s'appelle Mother, il fait pas loin de 9 minutes. Et le second s'appelle Grace the Teacher. Et ça conclura cette émission. Je vous dis à dans 15 jours. Lana Del Rabiz, c'est parti.